Radio Le Zinc. Bienvenue pour une nouvelle émission de Radio Le Zinc. La non-culture, pour ouvrir notre 156e Radio Le Zinc sur la très locale RVR. La Poison nous offre un nouveau titre, peut-être prémisse, un premier vrai album pour les pros des EP et des singles. La Poison, nouveau titre, Les Mauvais Garçons. L'élégance

est un pauvre coin de verdure, un maigre jardin potager. Ce lopin, ce bout de clairière, c'est tout ce que j'ai pour terroir, puisque ma famille ouvrière prend souche sur du goudron noir. Ce minuscule coin champêtre, pris dans un pâté de maison, on l'aperçoit de ma fenêtre, fermée dans ses murs en béton. Là ne plane point de légende, où l'âme puise et s'aguerrit. Il donne ce qu'on lui demande, 4 tomates, 3 radis. Morceau de culture, ce fut ma part de merveilleux. Tout le reste est littérature. On triche quand on devient vieux. Je ne suis pas né en Provence, en Savoie ni en Beaujolais. Mon sang a l'odeur de l'essence, et mon pays est gris et laid. J'ai grandi parmi des usines, au deuxième chez mes parents, une chambre et une cuisine, d'où l'on voit ce petit arpent, ce clos de rêve et de salade. C'est mon paradis défendu, était à un voisin maussade, je n'y suis jamais descendu. Guillaume Poncelet et mon terroir reviennent d'illuminer les 4 dernières minutes de votre Radio Lozinc sur la très locale RVR. Voici qui arrive à présent, Humbert Humbert. La farce de l'humanité. Les rats de marais, les catastrophes du JT me font marrer. Pas touche à la mouche, au lapin, l'oiseau, au bébé kangourou, au petit doigt fragile. Je pleure des torrents à inonder le monde, toutes les larmes de tous les crocodiles. Toutes les larmes de tous les crocodiles, toutes les larmes qu'ils s'entretuent, qu'ils se battent, qu'elles soient dures ou molles. Les hommes ont la guerre au ventre et je rigole. Au canard ou au poisson volant, au seigneur des forêts ou au pigeon des villes. Je vis de mon cœur et je noie vos enfants. toutes les larmes de tous les crocodiles. Toutes les larmes de tous les crocodiles. Toutes les larmes. Les injustices du monde, les pions et les pionnes, à la merci de l'immonde, je m'en tamponne. Pas toujours cloporte au singe à la limace, pingouin magnifique à son air débile. Le tout mon saoul et je noie votre race. Sous toutes les larmes de tous les crocodiles. Toutes les larmes de tous les crocodiles. Toutes les larmes. Toutes les larmes de tous les crocodiles. Toutes les larmes. Toutes les larmes. Toutes les larmes de tous les crocodiles. Toutes les larmes de tous les crocodiles. Toutes les larmes. Toutes les larmes de tous les crocodiles. Toutes les larmes de tous les crocodiles. Toutes les larmes. Tous ces artistes pour exister vivent bien souvent dans différentes histoires. Humbert Humbert, le contrebassiste solo qui vient de chanter tous les crocodiles, a aussi une vie plus collective avec ses potes de Bancal Chéri. Et cela donne le beau tango désargenté. Ça m'étonne qu'il est fatigué de penser. Cet homme veut danser. Cet homme continue de marcher dans l'escalator. Une valise trop pleine, comme toutes ces valises trop pleines. Fatigué de valser, danser. Cet homme veut penser. Cet homme veut flâner. Saint homme, qu'il est fatigué de se faner, de se crier. Cet homme veut se recueillir. D'aluminium, symptôme avalé, plus-value valium. Cet homme a de la trempe, de la couleur sur ses tempes. Cet homme veut aller, aller, aller, aller, aller. Cet homme ne s'étonne plus d'en faire des tonnes d'allure. Cet homme veut danser, symptôme. Cet homme continue de marcher dans l'escalator. Une valise trop pleine comme toutes, c'est une valise trop pleine. Tous les jeudis, entre 17h et 18h, vous écoutez Radio Zinc, l'exception culturelle à la manière de RVR. C'était Zenzila, et vous le savez, certains artistes se retrouvent dans différents projets. Nous parlions de Humbert tout à l'heure. D'autres disparaissent, je pense à Orly Chap. D'autres se retrouvent. Ce sera le cas des frérots de Zenzila, qui bientôt fêteront les 25 ans du plus bel album français, selon moi, des années 2000, le mélange sans appel. Mais entre-temps, ils ont constitué une autre histoire. Nous avons assisté à la naissance du Velvet in the Blood. Écoutez. C'est le Velvet in the blood qui vous invite à la fête. Le velvet in the blood qui convie toutes vos envies. De la Casbah, c'est le Velvet in the Blood. De vertu, tu peux zapper, tu trouveras pas sur les ondes morceaux inconnus. Le velvet in the blood. Mmh.

C'était donc Carte de séjour pour ceux qui ne les ont pas reconnus. Carte de séjour, Rachida, Ya Raya.

compter les mecs. Cela j'y va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Va y avoir du sport. Il va y avoir du sport. À 7h45, nous sommes jeudi et vous écoutez Radio Le Zinc. Ouais, celle-ci est pour tous les terribles beaux. Un battement de cœur universel, propose ce fait jaillir ton potentiel. Éveillons-toi cette verte parcelle à l'amour, à la vie éternelle. Un battement de cœur multicolore, tout ensemble à pousser, y'a moins d'efforts. Ça, ça se déroute. Du corps, ton pas force le redeem more and more. Not till the day you lost in an enemy army. Not till the day it all mocking in a forest. Open people, you're not feeling so hairy. Living in an epic place, it is. Open your mind in an biggest place. Open your mind for the sun and face. Open your mind in an biggest place. Open your mind for the sun and face. Le rythme du cœur réunit toutes les cultures qui vivent ici, en Europe, en Afrique et en Asie. Le natu duel fait un dame recentré. Le rythme du cœur ouvre les bras du révolutionnaire engagé. T'as ne voulu être sauvé d'une vie de tracas, mais pas du politique borné. Venez de profiter de quelque chose que vous n'entendrez certainement nulle part ailleurs, comme disait le Gildas. C'était Narayana avec un battement de cœur qui précède un vieux titre de Cyrano. The show.